jour, il faudra bien trouver la force d'aller plus loin. Ton âme a ses blessures et dans ton cœur, cette fêlure. J'espère seulement que tu seras de toi à moi à faire le bon choix. Que tu te souviendras de ça. Dis-toi qu'un jour, il faudra bien ouvrir ta porte ou serrer tes poings, affendre ton armure. Je t'aiderai, je te rassure, j'espère seulement que tu seras de toi à moi à faire le bon choix. Que tu te souviendras de ça. Oh.